« Je t'aime ». La figure ne réfère pas à la déclaration d'amour, à l'aveu, mais à la profération répétée du cri d'amour. Passé le premier aveu, « je t'aime » ne veut plus rien dire. Il sort du langage. Il divague. Mais où ? À partir du moment où la profération du mot « je t'aime » n'est plus une information qu'on passe à l'autre, qui ne le savait pas, ce qui est le moment du premier aveu, c'est-à-dire quand l'autre le sait, à ce moment-là, c'est évidemment une expression qui n'a littéralement plus aucun sens, puisqu'elle ne transmet aucune information. S'il te plaît. La parole. M'aime. Puisque tu me plais. Me le dirais-tu en face ? Quoi ? Que tu m'aimes. Je te l'ai dit ? Non. Puisque je t'ai dit que tu me plaisais. Non, c'est pas la même chose. C'est pareil. C'est pareil ? Puisque je te l'ai dit. Alors dis-le-moi. Tu m'aimes ? Tu sens l'essence. C'est un parfum comme un autre. Guy, je t'aime, oh Guy, je t'aime. Et mes épaules, tu les aimes ? Oui. Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc, tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Je ne te quitterai pas, Julien. Je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdue dans un pays de silence. C'était pas très courageux. Mais ce n'est pas courageux, l'amour. Tais-toi. Bonjour Tiffaine Samoyau. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous ce matin depuis chez vous, comme tous mes invités, hein, confinement oblige. Vous êtes essayiste, traductrice et critique littéraire, professeure de littérature comparée à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Roland Barthes qui était parue au Seuil en 2015. Et c'est avec vous qu'on va essayer de comprendre ce fragment « Je t'aime ». Pourquoi Roland Barthes dit-il que passer le premier aveu « Je t'aime » ne veut plus rien dire ? Eh bien parce que il sort de la signification pour rentrer dans la formule, dans quelque chose qui est de l'ordre de la profération, de quelque chose qui a presque magique et qui a la particularité et la force précisément de n'être plus du langage dirigé vers le sens, c'est-à-dire de faire échapper à ce que Barthes considère comme la tyrannie du langage, c'est-à-dire le fait que le langage comporte un sens. Et c'est très important pour lui, tout ce qui, dans sa vie, peut le faire sortir de cette tyrannie du langage, ce rapport entre phrase ou mot et sens. Et c'est ce qui lui plaît dans le « Je t'aime », c'est son caractère formulaire, incantatoire, presque magique. Ah, donc c'est une bonne chose pour lui que d'affirmer que « Je t'aime » ne veut plus rien dire, passer le premier aveu. C'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que c'est pas désespérant. Ah non, au contraire, c'est vraiment ce qu'il y a peut-être de plus euphorique dans la formule du « je t'aime », c'est précisément de faire sortir du sens. Et dans cette formule, Barthes exprime quelque chose de son rapport au langage, qui est un rapport vraiment de difficulté, de presque de haine parfois du langage, en tant qu'il enferme, qu'il réifie, qu'il fait rentrer dans une forme de tyrannie du sens. Et donc, la formule, c'est une sorte de hors-langage pour lui, et comme le cri, le chant, la ritournelle, et ce hors-langage est libérateur. Pourquoi un tel problème avec le langage, pour le dire simplement, puisque Barthes a passé sa vie à écrire, à travailler la langue, à écrire sur la langue, sur le plaisir que lui procure la langue, ou plus exactement le texte, et pourtant vous parlez de tyrannie du sens, du langage qui emprisonne. Oui, il y a tout le travail qu'il fait sur le texte, c'est précisément pour trouver des lieux où le langage échappe à l'enfermement dans les identités. C'est-à-dire que en nommant le monde, le langage donne une identité à chaque chose, à chaque être, au monde lui-même. Et c'est cette identité que le langage fige, à quoi Barthes s'oppose très profondément. Donc il va trouver dans la littérature des manières de travailler le langage de manière à sortir, à faire bouger ses identités. Et donc il va trouver dans des formes, en particulier dans le fragment, toutes les manières possibles de sortir de cette réification que procure le langage. Donc ce serait un contresens de penser que Barthes est amoureux du langage, dont il est amoureux de tout ce qui permet de sortir du langage en tant qu'il inscrit des identités ou un sens établi, ou de la convention, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que « je t'aime », c'est une phrase extrêmement conventionnelle, et en même temps, que chaque être fait sortir de la convention. Donc c'est une banalité absolue, et en même temps, c'est une banalité qui est à chaque fois unique. Et donc c'est une banalité qui est renflouée par l'affect ou l'émotion que le « je » met en le prononçant. Donc il y a quelque chose de vraiment presque exemplaire dans cette formule du « je t'aime », d'être à la fois celle de tous, absolument ordinaire, absolument banale, et à chaque fois unique. Je ne pourrais décomposer l'expression sans rire. Quoi, il y aurait « moi » d'un côté, « toi » de l'autre, et au milieu un joint d'affection raisonnable, puisque lexicale. Qui ne sent combien une telle décomposition, conforme pourtant à la théorie linguistique, défigurerait ce qui est jeté dehors d'un seul mouvement. Aimer n'existe pas à l'infinitif. Le sujet et l'objet viennent au mot en même temps qu'il est proféré. Et « je t'aime » doit s'entendre et ici se lire à la hongroise, par exemple, qui dit d'un seul mot « zeretlek », comme si le français, reniant sa belle vertu analytique, était une langue agglutinante, et c'est bien d'agglutination qu'il s'agit. Ce bloc, la moindre altération syntaxique l'effondre. Il est pour ainsi dire hors syntaxe et ne s'offre à aucune transformation structurale. Il n'équivaut en rien à ses substituts, dont la combinaison pourrait pourtant produire le même sens. « Je puis dire des jours entiers « je t'aime » sans pouvoir peut-être jamais passer à « je l'aime ». Je résiste à faire passer l'autre par une syntaxe, une prédication, un langage. » Et c'est Denis Podalydès qui prête sa voix au texte de Roland Barthes cette semaine, des fragments d'un discours amoureux qui vont nous accompagner jusqu'à jeudi. Et aujourd'hui, en compagnie de Tiphaine Samoyau, on vient d'entendre le premier paragraphe. Donc, je le rappelle, les fragments sont constitués de différents chapitres, de différentes figures qui comportent un titre, un sous-titre qui est une espèce de tentative de définition du titre lui-même, et puis ensuite un ou plusieurs paragraphes numérotés qui viennent tenter de, non pas d'analyser, mais de décrire ce qu'il se joue dans le thème lui-même. Hier, on parlait de l'attente, demain, on parlera de jalousie, et aujourd'hui, donc, je t'aime. Avec cette affirmation assez surprenante, aimer n'existe pas à l'infinitif. Si l'idée est de sortir le « je t'aime » du langage, d'aller hors langage, on pourrait imaginer que le verbe « aimer » serait une bonne façon de le faire, parce que l'infinitif est justement impersonnel. Or, Barthes dit l'inverse, Tiphaine Samoyau. Disons qu'il profite de l'état amoureux, d'une certaine manière, et de la profération de ce « je t'aime » pour rectifier la langue, en quelque sorte. C'est un peu ce que je disais à l'instant, à savoir que pour échapper à des formes de tyrannie de la langue, on va la rectifier, on va la transformer. Et tout le volume des fragments d'un discours amoureux est plein de ces jeux avec la langue et les langues pour, en quelque sorte, la corriger. Donc, on retire le verbe « aimer » à l'infinitif, puisque « aimer » n'a de sens que dans une relation, ou dans une interlocution, donc il ne peut pas être un impersonnel. Il va, à un autre moment, il va proposer d'introduire un nouveau temps grammatical dans la langue française, qu'il appelle l'immédiate antérieure, c'est-à-dire pour faire correspondre un temps grammatical à l'espèce de brutalité et de violence du coup de foudre, hein, et le coup de foudre qui transforme à jamais le temps de l'individu, le temps de la vie, puisqu'il introduit ce temps amoureux qui transforme le temps du sujet, mais qui donc du coup devrait se refléter dans la grammaire par la présentation d'un nouveau temps. Donc il y a vraiment ce jeu avec la langue qui est très amusant, donc c'est cette volonté aussi de penser le je t'aime sans tiret, sans blanc, comme dans les langues agglutinantes. Et une autre manière d'échapper justement à ce qu'il appelle aussi l'arrogance de la grammaire, c'est de recourir aux langues étrangères. Oui. Et il va y avoir beaucoup de mots étrangers dans le fragment d'un discours amoureux. Il y a l'allemand à travers la référence à Goethe, mais aussi la référence à Nietzsche ou à Schumann. L'italien par Verdi, mais aussi le chinois du Wu Wei, du non vouloir saisir, ou du Koan, le japonais du haïku. Enfin, le texte va être travaillé par les langues étrangères. Ici, on a entendu le hongrois, le hongrois qui est une langue agglutinante, Zeretlek, qui dit en un seul mot je t'aime, qui semble être exactement le sens de la formule pour Barthes. Et pourquoi le hongrois en particulier ici? Alors le hongrois, donc dans la marge du fragment, parce que donc les fragments d'un discours amoureux sont organisés par blocs, avec des notes de bas de page parfois et des petites notes en marge, hein, mm-hmm. Des notes marginales. Et à côté de cette expression Zeretlek hongroise, ce sont les initiales RH qui figurent dans le livre et qui renvoient à la personne qui lui a dit ce mot en hongrois, ou la traduction de cette expression en hongrois, et qui est Roland Havas, qui était un étudiant du séminaire, sachant que le livre a été préparé par un séminaire sur le discours amoureux qui a duré 2 années. Étudiant du séminaire dont Barthes a été amoureux et qui est l'objet d'amour avéré des fragments d'un discours amoureux. Ah bah alors ça, justement, c'est tout le paradoxe, c'est que le texte paraît à la fois impersonnel et universel, et en même temps, on ne peut pas ne pas se demander ce qui, dans ce texte, relève des traits plus biographiques de Roland Barthes. Vous êtes l'auteur d'une biographie, je l'ai dit, Tiffany Samoyeu, de Roland Barthes, donc j'imagine que vous avez ces éléments à disposition. Dans quelle mesure est-ce que ce destinataire présumé ou cette source d'inspiration était officielle et assumée par Roland Barthes? Officiel, je ne le dirais pas, parce que jusqu'à la mort de sa mère, Barthes n'a pas inscrit explicitement dans son œuvre son homosexualité. Donc il vivait avec sa mère, hein, qui est morte en 77, oui. Juste après oui. La parution des fragments, en fait, était oui. Déjà écrit, et lui est mort 3 ans plus tard. Oui, et donc oui, donc il ne l'a pas, mais il l'a inscrite obliquement et implicitement partout. On pourrait en relever énormément de figures, y compris dans fragments d'un discours amoureux. C'est-à-dire que la force du texte, c'est à la fois de désexualiser les pronoms d'une certaine manière, mais c'est aussi parce que l'homosexualité arrache finalement l'amour à la différence des sexes. Mmh. Et donc ça va de pair, si vous voulez. La généralité du texte tient aussi à son homosexualité, je dirais. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse dire que Barthes, bien sûr, joue avec ça, joue avec une forme d'effacement, de masque, mais en même temps je pense que plus profondément l'homosexualité, en arrachant la sexualité aussi à la différence radicale, eh bien, est plus propice à inscrire tous et toutes qu'un discours hétérosexuel. J'ai la conviction profonde que le discours amoureux, je ne dis pas l'histoire amoureuse, le roman d'amour, mais le discours amoureux, ce qui se tient dans la tête d'un amoureux, ne fait pas exception de sexe. C'est le même discours, finalement, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou d'un homme et d'un homme, ou d'une femme et d'une femme. Et par conséquent, dans mon livre, j'ai essayé au maximum de ne pas marquer, en quelque sorte, les sexes. Il s'agit d'un discours, disons comme on dit maintenant, unisexe, un peu comme sont les les jeans et les coiffeurs qui sont eux aussi unisexes. Quand on rencontrait Roland Barthes et qu'on discutait avec lui, il y avait toujours le petit carnet qui sortait de sa poche assez régulièrement et on savait pas pourquoi. On disait des choses qu'on trouvait pas géniales, mais bon, il notait certaines idées. Alors, est-ce que c'est comme il le dit lui-même dans son Roland Barthes par Roland Barthes, est-ce que c'est autre chose qui le marquait? Mais je ne sais pas. On retrouvait en tout cas dans ses livres des choses qu'on avait dites, mais retravaillées, réécrites, qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'on avait dit. Quant au fragment d'un discours amoureux, je pense qu'il a maîtrisé quand même la matière de ce livre, que je n'aime pas beaucoup. Pourquoi on n'aimait pas beaucoup? Je ne sais pas, il y a des livres que j'aime, d'autres que je n'aime pas. Peut-être la façon dont il s'est servi de certaines choses que je lui avais dites ne m'a pas plu, ou j'avais moins d'accroche enfin avec ce livre qu'avec d'autres. C'était la voix de Roland Havas au micro de Colette Fellous en mars 2000. Tiphaine Samoyeux, il est assez émouvant d'entendre le témoignage de Roland Havas, à qui donc il est fait référence directement dans les fragments, vous l'avez dit, et pourtant lui-même a l'air assez gêné par cette référence. Oui, c'est-à-dire que c'est comme beaucoup d'amour de Barthes, c'était un amour qui n'était pas partagé. Donc Roland Havas avait une grande affection pour Barthes et a fait beaucoup de choses avec lui. Mais donc l'amour-passion que Barthes lui portait et qui est aussi le sujet de Fragments d'un discours amoureux n'était pas un amour réciproque. Donc il y a forcément une gêne à voir exposer certains éléments biographiques et aussi certains éléments littéraux, hein, puisqu'effectivement Barthes notait un certain nombre de choses et que la préparation des Fragments du discours amoureux, c'est évidemment le séminaire, hein, qui était quand même un lieu d'expérimentation tout à fait extraordinaire, où tout était fait pour que le désir circule aussi entre les participants, hein, entre la figure assumée par Barthes et puis les disciples. Il y avait quelque chose où la parole devait circuler, le sens devait toujours être en mouvement, et puis le désir aussi circuler. Hein, ça, c'est un lieu d'expérimentation très particulier. Le désir physique ou intellectuel, ou les deux? Ben, c'est inséparable, hein. C'est-à-dire, ah oui. En tout cas, c'est qu'il y a quelque chose comme une érotique de l'enseignement, de la parole, enfin quelque chose qui serait impensable aujourd'hui, hein, mais qui était à l'époque une expérimentation vraiment libre et extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas le désir accompli forcément, enfin je veux dire c'est pas consommé, hein, mais il s'agissait de rendre inséparable l'enseignement, le partage de la parole et la question du désir. Donc ça s'est préparé, ce fragment d'un discours amoureux s'est préparé dans ce séminaire sur le discours amoureux, où chaque participant devait prendre en charge une figure qui deviendra ou non une figure retenue dans le livre par Barthes 2 ou 3 ans plus tard. Et puis, dans la genèse de Fragments d'un discours amoureux, il y a aussi ce qu'on appelle le carnet journal, où Barthes notait des événements de sa propre vie, et en particulier un certain nombre d'événements liés à sa relation ou son amour pour Roland Havas. Oui, il y fait référence, Roland Havas, dans l'archive qu'on a entendu. Il parle de ce petit carnet que Barthes sortait de sa poche. Alors non, il fait pas forcément référence à cela. Parce que Barthes avait en effet toujours un carnet sur lui et pouvait noter ce qu'on lui disait au café ou ce qu'il entendait. Voilà, non, le cahier journal, c'est quelque chose qui a été montré notamment à l'exposition autour des Fragments d'un discours amoureux à la Bibliothèque nationale de France il y a quelques années. Donc c'est un cahier avec plusieurs colonnes où correspondent une date, un événement qui est lié ensuite à une figure et ensuite ce qu'il appelle une enseigne, c'est-à-dire une phrase. Donc pour donner un exemple, par exemple, à la date du 20 septembre 1974, l'événement qui correspond, c'est l'attente d'un téléphone de RH à Urth. La figure qui résulte de cela, c'est la dépendance. Et l'enseigne, c'est-à-dire que la phrase qui correspond, c'est « je n'ose sortir de peur de ». Et ça devient dans le livre une attente au téléphone, donc non déterminée évidemment, qui est présentée comme un assujettissement du sujet amoureux et qui est renforcée par le fait que l'éloignement, les vacances renforcent encore la dépendance puisque elles aggravent l'attente en fait. Donc vous voyez, ça a été travaillé avec avec des livres, avec de la pensée, mais aussi avec la vie. Et c'est ce qui est le plus effacé finalement dans la version définitive du livre, hein, puisque les initiales, elles sont pas forcément assignables à une personne ou une autre, hein, même si dans les remerciements finaux du livre, on peut faire correspondre les initiales au nom réel des personnes. Et ça, vous l'expliquez bien, que le fait que Barthes a toujours été tiraillé entre deux mondes, le monde intime et ce qu'on pourrait appeler le monde politique. On trouve justement un texte dans les sources que vous citiez juste avant, où il dit « Je suis pris dans un paradigme atroce. D'un côté, moi, le moi intérieur, inexprimé, l'imaginaire affectif, les peurs, les émotions, l'amour, la foi intraitable en une éthique de la délicatesse, de la douceur, de la tendresse, la conscience déchirante que cette éthique est insoluble, aporique, que voudrait dire faire triompher la douceur. Et de l'autre, le monde, la politique, la notoriété, les agressions, les canulars, la modernité, le XXe siècle, les avant-gardes, mon œuvre, en somme, et même certains côtés, certaines pratiques de mes amis, condamnés à une œuvre hypocrite ou au sabordage de cette œuvre. Cette scission en deux, formulée par Barthes lui-même, a quelque chose d'assez saisissant ici. Oui, effectivement, on peut reconduire cette scission à un monde qui correspond exactement au langage, en ce qu'il désigne, en ce qu'il donne des identités, en ce qu'il enferme, et puis un monde dans un autre rapport à la langue, pris dans un autre rapport à la langue, qui est le langage de l'intime, travaillé par le hors-sens ou par le mouvement du sens, hein, tel qu'il le voit par exemple dans la littérature. Et le monde amoureux, le monde du sujet amoureux, a la chance de pouvoir échapper justement à cela, et il le dit à plusieurs reprises dans le livre. Le sujet amoureux, il est dans un petit cosmos, il a formé autour de lui un espace protégé, absolument intime, et en cela il se distingue de l'être aimé, parce que l'être aimé, précisément, et c'est ça qui fait la difficulté pour l'amoureux, l'être aimé, il est à la fois attrapé par ce petit cosmos, en tout cas le sujet amoureux cherche à l'attraper, et en même temps il appartient aussi à l'autre monde, au monde social, qui cherche toujours à le rattraper. Cette scission ou cette dialectique entre un monde extérieur qui serait pris dans le langage et un monde intime qui en serait en quelque sorte dépris apparaît très bien dans l'état amoureux. Mais le dire je t'aime, est-ce que c'est forcément du côté de l'intime absolument ? Alors pas forcément. Dans le montage sonore qu'on a entendu, ouais. On voit que le je t'aime est pris dans une histoire d'amour. Dans Fragments d'un discours amoureux, Barthes essaye d'arracher aussi le je t'aime de l'histoire d'amour. Il veut le ramener à la formule, à l'oracle, à l'instantané et au fragment. Et c'est tout à fait caractéristique. Et c'est en tant qu'instantané, en tant que fragment, que le je t'aime est intime. Alors que dès qu'il est reconduit à une histoire, il est reconduit au social, il est reconduit à quelque chose qui peut être de l'ordre du privé, mais qui n'a plus cette qualité, qui est une qualité qui est au-delà même de la question de l'état amoureux, qui est une qualité presque langagière, du moment où le langage est entièrement intime, entièrement privé, qui n'est pas marqué par des usages sociaux ou comment dire, arrogant ou autoritaire, toute chose qu'il attribue au monde social. D'où la nécessité pour Barthes de définir le « je t'aime » par la négative. Écoutez un autre extrait du fragment « Donc je t'aime », c'est le paragraphe numéro 2. On dirait une sorte de poème en prose. Je t'aime est sans emploi. ce mot, pas plus que celui d'un enfant, n'est pris sous aucune contrainte sociale. Ce peut être un mot sublime, solennel, léger. Ce peut être un mot érotique, pornographique. C'est un mot socialement baladeur. Je t'aime et sans nuance. Il supprime les explications, les aménagements, les degrés, les scrupules. D'une certaine manière, paradoxe exorbitant du langage, dire « je t'aime », c'est faire comme s'il n'y avait aucun théâtre de la parole. Et ce mot est toujours vrai. Il n'a d'autre référent que sa profération. C'est un performatif. Je t'aime est sans ailleurs. C'est le mot de la dyade, maternelle, amoureuse. En lui, nulle distance, nulle difformité ne vient cliver le signe. Il n'est métaphore de rien. Je t'aime n'est pas une phrase. Il ne transmet pas un sens, mais s'accroche à une situation limite, celle où le sujet est suspendu dans un rapport spéculaire à l'autre. C'est une holophrase. Quoi que dit des milliards de fois, « je t'aime » est hors dictionnaire. C'est une figure dont la définition ne peut excéder l'intitulé. Vas-y. Je t'aime. Non, il faut que ce soit un tout petit peu plus long, un peu plus... Je t'aime. Attends. Vas-y, c'est à toi. Qu'est-ce que je t'aime ? Non. Je suis le texte. Il y a juste je t'aime. Attention, c'est à toi, vas-y. Je t'aime. Non, ça va pas. Tu peux le faire un peu plus grave. Enfin, je t'aime. Oui, voilà. Attention, ça tourne, vas-y. Je t'aime. Non, un peu plus long, si c'est possible. Je t'aime. Non, t'as fait un bruit là, en même temps. Au lieu de court. Je t'aime. Non, tu dois toucher le micro ou le pied de micro, je sais pas quoi. Moi, rien du tout. Ah non. Alors, on y va. Je t'aime. On fait un peu plus long. Je t'aime. Non, plus long. Je t'aime. Je t'aime. Non, ça va pas. Bon, on en fera un autre jour. Je t'aime. Moi, je t'aime, quoi. Et oui, pas facile de dire je t'aime, même quand on est Annie Girardot. Alors, en toute logique, Tiphaine Samoyo, si on applique ce que dit Roland Barthes à la lettre, je t'aime sans emploi, je t'aime sans nuance, je t'aime sans ailleurs, je t'aime n'est pas une phrase, ben on ne peut plus dire je t'aime. Si, parce que justement, on peut le dire libéré de tout ce que, de tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire libéré du social, libéré des bonnes manières, libéré. Mais il sera forcément quelque chose, c'est ce que dit l'extrait d'Annie Girardot. Ce qu'il dit, c'est que c'est un performatif, donc ça veut dire que quand c'est dit, c'est fait. Et que d'une certaine manière, c'est bon. C'est dit, c'est fait, il n'y a plus rien à dire. Et c'est cette force performative du je t'aime qui le rend, on pourrait dire aussi sans pourquoi, hein, comme la rose de Paul Celan. Il ne le dit pas dans cet extrait, il ne dit pas qu'elle est sans pourquoi, mais ça revient au même en fait. Hein, c'est y a ni d'explication à donner, il y a rien à dire de plus, et il y a rien qui l'explique non plus. Mais est-ce qu'il y a un bon ton pour dire je t'aime? Parce qu'il y a une façon de le dire. Vous dites, c'est dit, c'est fait. C'est quasiment expéditif, faut le dire. C'est le plus neutre possible. Non, je crois. Ben, je sais pas. C'est justement ça. C'est cette bouffée de singularité que chacun va mettre dans le je t'aime pour remplir la banalité. Donc chaque manière de dire est la bonne, je dirais, d'une certaine façon. Sauf pour un réalisateur, sans doute. Mais il y a un moment où il le dit très bien. Lui, ça lui convient pas. Mais c'est aussi la question de l'écoute, c'est-à-dire c'est pas simplement comment on le dit, le ton sur lequel on le dit, mais comment l'autre l'entend. Et d'une certaine manière, le réalisateur là dans la scène qu'on vient, la scène sonore qu'on vient d'entendre, il peut pas l'entendre puisque le je t'aime ne lui est pas adressé. Ah c'est ça, le je t'aime n'existe que dans l'oreille de celui qui le reçoit. Oui, en tout cas, même pour celui qui le profère, il n'existe que parce qu'il le profère à quelqu'un. Donc le dire comme ça devant la caméra à un réalisateur à qui elle ne l'adresse pas, d'une certaine manière, c'est ça le plus difficile. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'y arrive pas, ou que c'est peut-être très difficile à dire au cinéma. Moi, je ne suis pas actrice, j'ai pas l'expérience, mais il me semble que c'est ça la raison. Mais que dit pour Barthes celui qui dit je t'aime? Il dit c'est une sorte d'aveu, mais c'est surtout un cri. Au fond, est-ce que c'est vraiment un je t'aime adressé à quelqu'un d'autre ou c'est un je t'aime qui se perd dans sa propre déclamation? Oui, il l'explique, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la première fois, il y a une signification, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aveu, de la déclaration, il y a une intention. Ensuite, dans la répétition, dans la profération, on échappe précisément à cette explication, à cette intention pour rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la formule. Et qui est l'ordre du jeu, de la jubilation, éventuellement de la tristesse. Chaque fois, il y a un petit éclat d'affect qui rentre dans cette formule et qui la singularise. Et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'elle peut se renouveler, qu'on ne se lasse jamais ni de la dire, ni de l'entendre, si évidemment on est dans le partage amoureux, ce qui n'est pas le cas dans le texte de Barthes. Hein. C'est aussi voilà. Une de ses forces. Mais c'est le sens de ma question, c'est que le « je t'aime » appelle quand même une réponse, ce fameux « moi aussi ». Mais ce « moi aussi », qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, est finalement toujours, n'est jamais à la hauteur du « je t'aime » proféré. Non, parce que le moi aussi n'est pas le je t'aime. C'est une sorte de réponse attendue au je t'aime. Enfin, on a entendu la chanson de Gainsbourg où le moi non plus est aussi une réponse. Et d'une certaine manière, c'est ce moi non plus que tout le texte de Barthes met en scène et met en figure. Moi aussi inaugure une mutation. Les anciennes règles tombent, tout est possible. Même alors ceci, que je renonce à te saisir. Une révolution, en somme, non loin peut-être de la révolution politique, car dans l'un et l'autre cas, ce que je fantasme, c'est le nouveau absolu. Le réformisme amoureux ne me fait pas envie. Et pour comble de paradoxe, ce nouveau tout pur est au bout du plus éculé des stéréotypes. Hier soir encore, je l'entendais prononcer dans une pièce de Sagan. Un soir sur deux, à la télé, il se dit « je t'aime ». L'amour, c'est pas prendre, c'est pas attraper, c'est pas tenir. Il y a toujours ça qui s'y mêle, mais a priori, oui, c'est pas ça. Je crois que c'est une phase absolument inévitable. Une phase inévitable. Une phase inévitable d'appropriation, de vouloir saisir. Il faut, n'est-ce pas, une sorte de dressage intérieur et d'assaise très difficile avant de comprendre qu'il ne faut pas vouloir saisir l'autre. C'est un très grand risque, il faut beaucoup de temps souvent. On ne peut vraiment s'intéresser à l'autre, enfin, à l'être aimé, on ne peut s'intéresser qu'à l'instant où on est assez tranquille, on a assez d'assurance qu'il vous aime, pour pouvoir se demander qui il est, ce qu'il est, comment il agit, pourquoi il agit. Mais avant, on est juste une espèce de chose affolée par rapport à un objet insaisissable. Ce n'est que quand on est assez sûr de lui qu'on peut commencer à l'aimer pour de bon. Barthes et Sagan sur le plateau d'Apostrophe, c'était le 29 avril 1977. Une émission qui est un trésor, hein, leur échange sur l'amour et sur le je t'aime justement a quelque chose de vraiment très, non seulement intéressant mais même assez bouleversant quand on l'écoute aujourd'hui, et notamment parce que ils ne sont pas toujours d'accord. Et ici Sagan se demande si l'amour ne serait pas davantage du côté de l'appropriation, quand Barthes au contraire insiste sur le ne pas vouloir saisir. Ils ont un désaccord à ce sujet ici. Oui, ils sont en désaccord. Alors effectivement, cette émission d'Apostrophe, elle est très amusante parce que et elle a pas mal contribué aussi au succès des fragments d'un discours amoureux, parce que Pivot l'invite en même temps que François Sagan et que Anne Gollon, donc l'autrice de Angélique, Marquise des Anges, donc vraiment du roman d'amour populaire, et donc installe aussi Fragment d'un discours amoureux dans cette veine de la description la plus simple et sentimentale de la relation amoureuse, ce que le livre est aussi, hein, qu'il n'est pas seulement, parce que c'est aussi un traité, c'est aussi un effort théorique pour comprendre ce qu'est l'amour-passion. Excusez-moi, mais en revanche, dans ces dialogues, Barthes est très généreux avec d'autres manières d'exprimer ou de penser l'amour, et en particulier l'amour féminin, parce que il le dit un moment dans un autre fragment que le sujet amoureux est toujours un sujet féminisé, Et ça, je crois que c'est important, et c'est pas une féminisation qui est nécessairement liée à l'inversion, dit-il. Mm-hmm. Mais c'est dans l'idée que dans l'amour, finalement, on cède à la non-différence. Finalement, la non-différence sexuelle, ce qui fait qu'on peut aussi s'animaliser, tout est possible. Donc, dans cette forme de lâcher prise qui est l'état amoureux, rentre en contradiction avec une idée d'appropriation de l'autre, même si c'est une tentation. Et vous en parlerez certainement demain avec la figure de la jalousie, oui. Mais c'est une tentation. C'est une tentation de l'amour, mais tout le travail justement intellectuel de Barthes, c'est de quitter l'état sensible, l'état existentiel d'appropriation pour aller, grâce à la réflexion, grâce à la description, pour aller vers ce lâcher prise ou ce non vouloir saisir qui clôt les fragments. Un mot encore sur Françoise Sagan, puisqu'il la cite quand même directement hein, dans les fragments. Je rappelle ce qu'il dit dans le texte qu'on a entendu. Hier soir encore, je l'entendais prononcer dans une pièce de Sagan, un soir sur deux à la TV, il se dit « je t'aime ». Et si on fait référence par exemple à « Bonjour tristesse » de Françoise Sagan, elle écrit « j'éprouvais en dehors du plaisir physique et très réel que me procurait l'amour, une sorte de plaisir intellectuel à y penser ». Les mots « faire l'amour » ont une séduction à eux, très verbale, en les séparant de leur sens. Ce terme de « faire », matériel et positif, uni à cette abstraction poétique du mot « amour », m'enchantait. On n'est pas très loin ici de ce qu'écrit Barthes dans ses fragments, Tiffaine Samoyo. Oui, il y a un effort à la fois réflexif et puis un abandon à une forme de magie du langage qui la rapproche de ce que dit Barthes. Alors, à cet endroit-là, ouais. Disons. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant de voir comment les mots, en fait, dans l'histoire d'amour elle-même qu'est Bonjour Tristesse, on nous trouve des moments qui sont plus analytiques, alors que justement dans Fragment d'un discours amoureux, on est presque essentiellement du côté de l'analyse, en tout cas du côté de l'anti-roman d'amour, mais finalement il y a un endroit où les deux se rejoignent. Oui, parce que il y a une façon amoureuse d'être dans les mots de l'amour. Et je dirais pas que ce qui est raconté c'est une histoire d'amour avec les mots, ce serait une banalité. C'est pas du tout ce que Barthes fait ni ce que je voudrais exprimer, mais qu'en cédant justement à la magie du langage amoureux ou même à sa détresse ou à sa violence, il emporte avec lui toutes les histoires, hein, comme dans une sorte de torrent. Et c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire que les histoires, mais également les états, les sentiments et les affects n'échappent pas au langage qui les exprime. Hein. Et qu'en les analysant, on les ravive. Et même on les vivifie, parce que justement, Barthes les arrache à leur... tente de les arracher à leur enfermement, à leur banalité, à leurs identités... Et c'est ça qui est très beau, je pense. C'est ça qui donne sa force au livre. Mmh. C'est que à aucun moment il n'assigne le langage à telle situation, à telle personne. Ça demande tout un travail. Et alors justement, pour essayer d'être fidèle à ce travail, on va un instant aller dans un autre chapitre, un autre thème que celui du « je t'aime ». C'est l'entretien. Le chapitre, le bloc s'appelle l'entretien. On y trouve un petit sous-titre déclaration. Barthes écrit déclaration, propension du sujet amoureux à entretenir abondamment avec une émotion contenue l'être aimé de son amour, de lui, de soi, de. La déclaration ne porte pas sur l'aveu de l'amour, mais sur la forme infiniment commentée de la relation amoureuse. S'ensuit le premier paragraphe, texte très connu que je vous propose d'écouter, qui est magnifique, que voici. Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. L'émoi vient d'un double contact. D'une part, toute une activité de discours vient relever discrètement, indirectement, un signifié unique qui est « je te désire » et le libère, l'alimente, le ramifie, le fait exploser. le langage jouit de se toucher lui-même. D'autre part, j'enroule l'autre dans mes mots, je le caresse, je le frôle, j'entretiens ce frôlage, je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation. Parler amoureusement, c'est dépenser sans terme, sans crise, c'est pratiquer un rapport sans orgasme. Il existe peut-être une forme littéraire de ce coitus reservatus. C'est le marivaudage. Alors vous disiez, Tiphaine Samoyo, qu'il fallait peut-être pas dire que Barthes disait « je t'aime » au langage lui-même. Enfin, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on est au-delà de la déclaration d'amour. On est en pleine jouissance, sans orgasme, dit-il d'ailleurs. Mais il n'est jamais aussi sensuel, physique, tactile, incarné que lorsqu'il parle de l'amour pour le langage, plus que pour le corps d'autrui. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est pas le langage au sens où on l'entendait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le langage qui, justement, s'est libéré ou s'est émancipé du rapport au sens. Et que c'est précisément ce que fait la langue de l'amour ou ce que fait l'amour au langage, c'est de le libérer de ce rapport au sens. Et alors, du coup, du rapport au sens unique, si vous voulez, au sens sémantique. Et du coup, on rentre dans un rapport qui est au sens, à la sensualité, à tous les sens, qui est un rapport qu'il exprime aussi dans le plaisir du texte, lorsqu'il distingue les textes de plaisir et les textes de jouissance. Et ces textes de jouissance, c'est ceux qui sont comme l'état amoureux, c'est-à-dire qui précipitent la langue dans la sensualité et pas dans le sens sémantique. Donc c'est un langage libéré, c'est pas tout le rapport au langage, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, reste que c'est quand il parle de ce langage-là qu'il est le plus charnel, ah oui, physique, et qu'il parle de jouissance. Absolument, dans une forme d'érotique, du toucher, il y a tout un travail sur l'érotique du frôlement, du frottement dans les fragments d'un discours amoureux, avec beaucoup de petites scènes furtives qui correspondent aussi à une pratique de la sexualité un petit peu clandestine, hein, qui favorise ce caractère furtif et frôlé de l'érotisme, et qui est très magnifiquement exposé ici. Et ce texte nous renseigne aussi sur un rapport qu'on peut entretenir nous-mêmes avec les mots d'amour en général, mais sans qu'on s'en en soit forcément conscient, c'est que parfois la jouissance vient du fait d'écrire une lettre d'amour ou de prononcer une déclaration d'amour par l'utilisation du langage que ça nous enjoint à faire, même si dans ce cas-là, il y a vraiment un sens, le langage est au service d'un sens. Mais la jouissance du langage n'est pas secondaire dans les mots d'amour. C'est ça, en fait, que nous dit Barthes. Et c'est peut-être pour ça que ce texte aussi résonne autant en nous, c'est que ça fait écho à quelque chose que nous vivons, mais que nous n'avons pas forcément nommé. Oui, et puis c'est un texte qui a cette générosité de ne pas avoir peur d'une certaine forme de bêtise. Et c'est aussi peut-être ce qui a suscité son incompréhension dans certains milieux intellectuels, parce qu'en réalité, c'est une réflexion extrêmement poussée, théorisée sur l'amour, sur la langue, sur le rapport au langage de l'amour. Mais c'est en même temps un texte extrêmement sentimental et qui n'a pas peur d'une certaine forme de rapport élémentaire, naïf, consentant aux mots d'amour. Et c'est un texte qui n'a pas peur de cette forme de bêtise, des petits mots. Il va travailler aussi sur les métaphores animalières, tous les mots, petits mots d'amour, qui sont des mots dans lesquels parfois on peut avoir peur de se sentir bête, mais qui sont nécessaires à l'entretien d'une sorte de couvade amoureuse, on pourrait dire, ou de petit cosmos, pour reprendre le terme de Barthes. Mm-hmm. Mais qui vient aussi du fait qu'il y a, dans le discours sur l'amour qui est tenu, il y a aussi une volonté de comprendre la différence entre plusieurs sortes d'amour. Et ici, derrière l'évocation de ce rapport au langage amoureux, il y a aussi une évocation de ce qu'est la drague. Il parle de marivaudage, mais ailleurs, il valorise aussi la drague, pas simplement comme pratique existentielle, mais aussi comme figure de pensée. Donc il parle aussi de l'amour passion qu'il distingue de l'assouvissement des plaisirs ou de la sexualité, de l'amour romantique, l'amour passionnel romantique, mais aussi il va réfléchir à l'amour maternel. Et ces trois sortes d'amour sont toujours entrelacées et présentes, et il essaye d'en faire quelque chose aussi dans son texte. Ma mère ne vint pas, et sans ménagement pour mon amour propre, me fit dire par Françoise ces mots « il n'y a pas de réponse ». Que depuis j'ai si souvent entendu des concierges de palace ou des valets de pied de tripot rapporter à quelques pauvres filles qui s'étonnent comment il n'a rien dit, mais c'est impossible, vous avez pourtant bien mis mes lettres. C'est bien, je vais attendre encore. Et de même qu'elle assure invariablement n'avoir pas besoin du bec supplémentaire que le concierge veut allumer pour elle et reste là, n'entendant plus que les rares propos sur le temps qu'il fait échanger entre le concierge et un chasseur qui l'envoie tout d'un coup en s'apercevant de l'heure, faire rafraîchir dans la glace la boisson d'un client, ayant décliné l'offre de Françoise de me faire de la tisane ou de rester auprès de moi, je la laissai retourner à l'office, je me couchai, et je fermai les yeux, en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Au je t'aime, différentes réponses mondaines. Moi, pas. Je n'en crois rien. Pourquoi le dire, etc. Mais le vrai rejet, c'est il n'y a pas de réponse. Je suis annulée, plus sûrement si je suis rejetée non seulement comme demandeur, mais encore comme sujet parlant. C'est mon langage, dernier repli de mon existence qui est nié, non ma demande. Pour la demande, je puis attendre, la reconduire, la représenter de nouveau. Mais chassé du pouvoir de questionner, je suis comme mort, à jamais. Il n'y a pas de réponse, fait dire la mère, par Françoise, au jeune narrateur proustien, qui s'identifie alors justement à la fille repoussée par le concierge de son amant. La mer n'est pas interdite, elle est fort close, et je deviens fou. De la recherche du temps perdu au fragment d'un discours amoureux sur une composition de Roland Barthes lui-même, mais oui, qui avait composé de la musique, vous êtes en train d'écouter. Tiphaine Samoyau, la référence à Proust est constante dans ce texte, et sans surprise, hein, si vous avez écouté l'émission d'hier, et puis ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre l'amoureux qui est Barthes, ou le sujet des fragments d'un discours amoureux, et puis le narrateur de la recherche du temps perdu. Et ici, l'exemple, le recours à la recherche lui est précieux pour illustrer ce « il n'y a pas de réponse » qui suit souvent le « je t'aime », et c'est finalement ce que la mère dit à l'enfant, et ici comble de la cruauté, par l'intermédiaire de Françoise, donc de celle qui travaille pour elle, c'est même pas la mère qui vient de le dire elle-même, « il n'y a pas de réponse », dit la mère à son enfant, « et je deviens fou », répond l'enfant. Oui, d'autant plus que ce « il n'y a pas de réponse » est induit par le père. Il s'est dit par la mère, mais induit par le père. Mais ce qui est très, très intéressant dans la citation de ce passage de Combray, c'est qu'il fait exactement la même chose que ce que fait Barthes dans les fragments d'un discours amoureux, c'est-à-dire qu'il croise l'amour maternel et l'amour... voilà, l'amour sentimental ou l'amour passion. L'amour sans forcément de réponse et sans forcément de réciprocité et sans forcément d'échange, en pensant qu'ils doivent être pensés, enfin en établissant qu'ils doivent être pensés dans leurs points communs et pas simplement dans leurs différences. Il y a bien sûr des différences, c'est-à-dire que l'amour maternel, c'est un amour beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus gratifiant. Mais néanmoins, c'est un amour si total que lorsque il est, pour une raison ou pour une autre, déchiré, hein, comme il va l'être, il l'est au moment où Barthes parle de fragments d'un discours amoureux par la maladie de la mère, et il va l'être aussi par la disparition de sa mère, mais il peut l'être aussi en pensée, dans l'idée même de la disparition de l'être aimé. Donc il y a un moment où il peut ne plus y avoir de réponse, mais que cette déchirure, elle est la même que dans toutes les situations de désespoir amoureux. Mais, allez-y. Et je trouve intéressant ce rapprochement qui est fait parce que Barthes, dans la suite de son œuvre, va beaucoup s'intéresser à la manière dont on peut parler de l'amour et dont on peut rendre grâce par dans une œuvre de ceux qui vous ont aimé, et en particulier de la mère. Et il y a déjà des éléments de cela. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'infantilisation du langage amoureux, mais c'est pas à prendre de manière négative, hein. C'est l'idée que le discours amoureux nous reconduit à une langue qui est en quelque sorte hors des codes, qui est débarrassée des codes, qui est débarrassée des savoirs, et qui est une langue désirable, une langue en mouvement, qui est peut-être ce que Barthes pourrait mettre dans l'idée même de langue maternelle, c'est-à-dire une langue évidente qui apparaîtra après dans le journal de deuil sous la forme de petites formules aussi, hein, qui ne sont pas le je t'aime, mais qui sont voilà ou c'est ça. Le journal de deuil qui est publié après la mort de sa mère. Enfin, qui est écrit. Non, qui est écrit à la suite de la mort de sa mère et qui a été publié après de ça. Façon tout à fait posthume. Voilà, oui. Mais ça veut dire que l'amour maternel est l'étalon de l'histoire d'amour ? C'est la norme absolue ? C'est ce à quoi on compare toute forme d'histoire d'amour après ? En tout cas, non, je dirais pas qu'on compare les histoires d'amour, justement, mais c'est l'étalon de la langue de l'amour. Ouais. De ce qu'est la langue, justement, cette langue en mouvement, cette langue qui prend soin, justement, de la langue, qui prend soin du sens et des sens, contrairement au langage social qui n'en prend pas soin. Eh ben, je vous laisserai méditer sur cette comparaison, cette affirmation. Merci beaucoup, Tiphaine Samoyeux, de nous avoir parlé des fragments d'un discours amoureux ce matin. Merci, Adèle Vendrette. Je renvoie les auditeurs à la biographie de Roland Barthes que vous avez publiée aux éditions du Seuil, et puis votre dernier livre, c'était au Seuil, toujours en 2020, Traduction et violence. On se quitte avec un je t'aime en musique, puisque Barthes aimait les deux. Vous avez parlé des différentes langues étrangères qu'il aimait explorer pour faire ressortir la singularité du je t'aime. Eh bien, le voici en italien. Emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de laisser Roland Barthes jusqu'à demain. Et ces fragments d'un discours amoureux, on va continuer à méditer en italien. Et d'ici là, on accueille Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Oui, je disais, on quittait les fragments d'un discours amoureux, on va se poser une question d'un tout autre ordre. Quelle est la valeur philosophique de l'application TikTok ? Ouais, après un tube pareil. Bon courage. Une vraie question. Alors, je me suis demandé, puisqu'il s'agissait d'une application chinoise, et même de la première authentique percée chinoise dans le précaré américain des réseaux sociaux, si j'avais le droit, moralement, de télécharger TikTok, si ce n'était pas un peu l'équivalent d'aller voir dans le Paris occupé un film produit par la Continental. C'est mon côté consommateur, témoin lointain de l'oppression des Ouïghours. Alors que j'achète en général 4 paires de Nike par an, toutes celles que j'ai ont maintenant des trous, percés par ma mauvaise conscience d'avoir contribué, peut-être, là-bas, à un système de travail forcé et d'épuration ethnique. On voit qu'à ce stade, la valeur morale de l'application TikTok est au plus bas, c'est déjà une information. Quand j'ai rejoint Facebook il y a presque 15 ans, ce n'était pas encore la conspiration antidémocratique qu'on connaît. C'était une utopie remplie de toutes les Béatrix qu'on avait aimées et destinée à devenir une sorte de cité de Dieu électronique. Plus personne ne mourrait jamais et l'amour triompherait. Enfin, on se serait cru à la fin des particules élémentaires. On aurait dû se méfier. Mais la réputation de TikTok, elle, est d'emblée exécrable entre l'immaturité des contenus et leurs contenus trop matures, l'idiotie générale qui y régnerait, le vol des données personnelles, le silence assourdissant au sujet des Ouïghours. Mais Aurélien, pourquoi avoir rejoint TikTok alors ? Bah, autant Facebook nous a prouvé, c'est presque un fait anthropologique, que nous étions des imbéciles, autant une appli qui nous prend d'emblée pour des imbéciles pourrait nous laisser paradoxalement une chance de nous élever un peu. Souvenez-vous par exemple, il y a un an, de cette utilisatrice qui avait utilisé habilement un tuto maquillage pour évoquer justement la cause des Ouïghours. Jamais on n'avait vu recourbe cils mieux politisés. Bref, j'ai téléchargé TikTok. Et je me suis dit tout de suite que j'aurais dû mentir sur mon âge en me retrouvant aussitôt assailli par des culs. Des culs en mouvement, un stroboscope de culs. On se serait cru dans le film Canois maudit de Kechiche ou bien dans une toile de Picasso pendant sa période balnéaire quand le peintre en pleine crise de la quarantaine, comme moi apparemment, s'était mis à peindre à Dinard des baigneuses au cul interminables et mellifluants. La méthode de recrutement de TikTok, en cela, est assez basique. On l'appelle dans le monde du renseignement celle du pot de miel. Je me suis donc senti très vite un peu sale et heureusement que Romain Grosjean a eu son accident car les culs ont été rapidement remplacés par du porn automobile et des striptease de Formule 1 destinés à nous montrer les beautés secrètes de leur anatomie. Savez-vous combien de newtons peut absorber l'arceau de sécurité d'une Formule 1? Non, je n'en ai absolument aucune idée. Bah en fait moi non plus j'ai oublié le chiffre, mais je sais grâce à TikTok que ça correspond à peu près à la masse d'un autobus. Et c'est ainsi que ne défile plus dans mon application TikTok que des vidéos d'accidents d'autobus. Et il est là le succès de TikTok, le vertige de TikTok, c'est comme si l'appli lisait dans nos pensées, voire dans notre inconscient. On est au départ simplement bombardé d'images, mais il suffit que nos yeux s'attardent quelques millisecondes sur l'une d'elles, et ça y est, l'algorithme nous tient sous son pouvoir comme un mentaliste ou un hypnotiseur. Et selon vous, c'est ça qui fait la valeur philosophique de TikTok ? Bah, Internet nous vendait un village, Facebook nous vendait des amis, Twitter, de l'information. TikTok est beaucoup plus direct. Son contenu, c'est son algorithme. Et plutôt que d'y voir un risque de manipulation, après quelques semaines d'usage, c'est au Monsieur Test de Paul Valéry que TikTok m'a ramené, puisque ce sont mes préférences indiscernables qui déterminent le flux d'images. TikTok a quelque chose de purement mental. Ce n'est qu'une nouvelle façon de jouir sans fin de son propre cerveau. Ah bah peut-être qu'on retrouve Roland Barthes là, ici, avec ce que vous dites. Merci beaucoup Aurélien Belanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Avril Poignant-Le Goff, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès et Laurence Malonda qui réalisent cette série d'émissions pour vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu, à la lecture des textes Denis Podalydès. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des fragments amoureux, fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Demain, après Attente et Je t'aime, ce sera Jalousie, en compagnie de Mathieu Messager. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À 10h. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.